On a trouvé le bouton. Ah, bienvenue sur Pyongyang City Router numéro 273. On a compris. 273 déjà. Ouais. Ouais. 273. Ce soir, un numéro tout spécial parce que. Formation bizarre, ouais. Ouais, papa, il est pas là. Il y a pas grand leader Stéphane. Non. Il y a pas grand leader Jamo. Non. Il y a pas grand leader Thibaut. Non. Par contre, il y a grand leader Audrey. Oui. Il y a grand leader Jérémy. Oui. Et puis ce soir, de retour derrière les micros. Pour alors, jouer des mauvais tours. Pour une fois qu'il n'est pas invité et qu'il est en tant que grand leader, grand leader Ripoll. Salut. La team Rocket. Ça roule, je perds. Ouais, donc comme tu disais, 273e. Ah oui, puis moi. Bah, voilà. Et 273e épisode du Pyongyang City Rockers. C'est ça. Qui a commencé un peu, mais qui va bien continuer. Voilà. Je te laisse la parole, Audrey. Allez, c'est parti. Du coup, moi j'avais envie de commencer par un classique Lilua. Lilua ? Ouais, parce que. L-I-L-W-A. C'est ça, Lilua. Lilua. Lilua. Parce que du coup, c'est un peu le retour des Short Days sur scène, tout ça, tout ça. Et un album peut-être aussi, j'espère. On a entendu parler d'un mois de février qui serait rumeur... florissant pour eux. Ouais. La rumeur court, bref. C'est dur de choisir un titre de Short Days. Ah, moi, je choisis toujours au hasard. Bah, random. C'est un peu ce qui s'est passé. Et que dire qui n'a pas déjà été dit sur Short Days. Bref, tellement de beauté, tout ça, tout ça, tout ça. Mais du coup, j'ai choisi le Bleak City parce que ça reste mon EP favori. Et bah, je vous propose que nous entamions cette émission, cet opus, cet épisode qu'on entame bien avec du coup nos copinous et le morceau Bleak City de Short Days, si tu veux bien, Jérémy. Allez, c'est parti. Oui. Je voudrais foutre le feu à cette putain de ville. Ça va vite et bah ouais, c'est trop bien, c'est Short Days. Grave. Ouais, c'est cool. Allez, on va profiter que notre grand leader Ripoll est là pour lui laisser la parole. Mais c'est vrai qu'on a vu Short Days deux fois en quelques mois, là, ces derniers temps, alors qu'on les avait pas vus depuis quelques années. Du coup, deux ans, ouais, je crois. Un truc au moins. Oui, ça avait déjà arrêté avant le confinement. Même un peu avant qu'il y ait tout ce caca. Moi, je dirais 3-4, hein, facile. Ouais. Entre 2 et 3, facile, le c'est temps sûr. Passe vite quand on s'amuse, c'est grand leader Gaël. C'est clair. Et donc la catégorie groupe qu'on a vu ces derniers temps, moi j'ai vu Rage Decision 4 fois d'affilée. Ah ouais, parce que t'es parti en tournée avec eux, c'est ça. Ouais, j'allais dire sans partager la scène avec ou en partageant si, la scène. Si, en partageant un peu, genre un sur 4 dates. Ah, c'est pas de la triche, il y a quand même la route à faire. C'est clair. 4 jours d'affilée. 4 jours d'affilée, ouais. T'as survécu. Et alors, c'était bien ou... Ouais, c'était bien, c'est toujours bien. Plein d'ambiances différentes. Non mais Rage Decision, hein, pas la tournée. C'est toujours bien. Plein d'ambiances différentes. Non, c'est super, c'est carrément, c'est un peu, c'est la tuerie, ce groupe. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de trashcore punk anglais de Doom Falmouth. Pas vraiment Doom, pas vraiment metal, un peu skinhead, un peu rude boy. Non plus. Non plus, non plus. Non, c'est un groupe anglais on peut dire de trash punk. Je crois que ça leur va plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un groupe qui se démerde bien chez eux, quoi. Ils viennent pas souvent sur le continent, mais ils se démerdent bien. Ils font des super belles dates. On les voit souvent sur les réseaux ouvrir pour du Discharge, du Napalm Death, du Sick of It All et des trucs un peu lourds comme ça. Puis on les voit aussi souvent avec leurs potes, là. Il y a toute une équipe en Angleterre en ce moment. Jody Faster, là. Pizza Tramp et tout. Ouais, ben, du coup, la dernière fois qu'on y allait, c'est un peu grâce à eux. Et là, ils sont repassés nous voir par chez nous. C'était plutôt cool. C'était très très cool. Et puis je vais vous laisser voir par vous-même à quel point c'était cool. On va écouter deux morceaux, si ça vous dit. Mais oui. Ça prendra 2 minutes, comme ça, après c'est fait, on passe à autre chose. On va écouter le premier morceau qui s'appelle, je crois, un truc du genre quand les mouettes atterrissent. Ou l'atterrissage des mouettes. The sickle has loaded. Voilà, les landed. Landed. Landed. Ouais, Landed. The Seagulls Landed, qui paraît sur leur premier album en 2018, qui n'était pas leur première sortie, hein, parce que c'est un groupe qui a quand même quelques années maintenant. Et puis le deuxième morceau, juste après, ce sera Cunts Cunting Cutted. C'est dur à dire parce que je vais te laisser prononcer parce que c'est pas possible. Un truc de. Bah ouais, ça c'est ouais. My Cunts Cunting Cutted. C'est une chanson pour le gars de Pizza Trump qui passe son temps à dire oh cunt, oh fucking cunt, cunt, cunt, cunt. C'est un pote à Alex. C'est le même. Ouais, bah oui, on peut le voir dans le clip We Are the England de Wonk Unit. L'acteur principal, entre guillemets. Du clip. Donc oui, son pote, c'est les cinglés, tous autant qu'ils sont là. Et ils ont fait cette chanson pour lui parce qu'il dit ça tout le temps et qu'avec Pizza Tramp, ils ont une chanson qui s'appelle My Fox Fucking Fucked ou un truc comme ça et qu'ils ont fait cette chanson un jour pour rigoler. Ça a l'air intelligent, c'est de dire. Ouais, c'est des mecs très malins. Mais de toute façon, ça s'entend dans la musique, vous verrez bien. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Ensuite, Rush Decision. Fuck! là, on vient d'écouter un groupe qui existe depuis, qui s'appelle Tall Ship, avec leur morceau The Chemical of Life. Alors, c'est un groupe anglais qui a existé entre 2009 et 2017. Et ça, c'est un extrait de leur premier EP, donc en 2009. Pour nous rappeler ce que c'était la bonne époque, parce que là actuellement c'est réédité pour plus de 10 ans après. Pour les espèces de nostalgie, oui, c'était voilà. Mieux avant, quoi. Ouais, mais... voilà, Jérémy, je vois dans quel caste tu te sens. J'ai prévu une autre nostalgie, si tu veux, après. Ah, oh, j'ai hâte. Mais c'est une nostalgie spéciale pour notre ami Stéphane qui n'est pas là. Ah, ça va être un truc dans une langue incroyable. Indonésienne d'il y a 30 ans. Voilà. J'ai ramené un morceau russe pour lui après. Ah, comme quoi, on pense à lui. Non, lui est en train là de se faire marave la gueule au Krav Maga du coin, tu vois. Un bon entraînement, tu vas revenir en te disant ah, j'ai encore des bleus, j'ai mal. Bah oui, mais à ton âge canonique, mais frère, comment te dire. Si, mais bon. Voilà. Et on passerait pas à une exclue. Allez. Oh, une exclue. On a tout le temps des exclus en ce moment. Dans ma boîte aux lettres, un 12 pouces de Prisonnier du Temps. Alors, c'est le nouveau side project de Jackie Cadieu, le bassiste de Syndrome 81 et batteur de Coupe-Gorge. Du punk rock, du hardcore, des mélodies et des hits imparables, mais avec un côté plus oi cette fois. Du coup, humain pour toi. Brest égale nouveau Portland. C'est un mini descriptif que j'ai reçu de la part de Une Vie pour Rien, le label de Nantes. Alors les chansons. C'est pas toi qui l'as écrit. Non, bah c'est le descriptif du label. Mais il le lit du label. Son tu sais, comme quand t'as sur M6 là. Et donc maintenant. Et donc. Nanana. Tu sais, il parle avec un ton. D'action, là, en quête d'action, ils ont ouais. Le ton M6. Et bah, je trouvais un peu plus 7 à 8, mais bon, c'est pas grave. Alors les chansons ont été composées et écrites forcément par Lionel, Jackie Cadieu, sauf un morceau, parce que c'est une reprise. Une reprise de The Cult qui s'appelle Même mon âme. Ouais, c'est ça, même mon âme. Je pense qu'en 2022, si t'es un bon groupe, tu fais des reprises de caméra. Vous avez loupé, là, les gars. Vous avez loupé la vague. Alors, cet album, il a été enregistré durant l'hiver 2021-2022 à Brest, au studio At The Movies, le studio de Jackie. Et il a été masterisé, comme beaucoup, par Will Killingsworth au studio Dead Air. L'album, il sort samedi. Il y a déjà 2 morceaux en écoute sur le Bandcamp du label Une Vie pour Rien. Mais nous, comme on a déjà l'album, on va vous en passer un autre. Et je vais même laisser le choix à Jérémy du morceau. Lequel as-tu sélectionné ? J'ai choisi le morceau Marqué à vie. Allez, on écoute ça tout de suite en exclusivité pour Radio Campus Lille. On remercie encore Prisonnier du Temps, a.k.a. Jackie. Merci Ben, merci Carotte et merci David. Oi. Marqué c'était bien, à vie. Ça, dis donc. Pas mal. Mais oui, merci beaucoup. pour cette petite exclue. On a mon exclusivité. Bah, merci une vie pour rien. Hein. Bah ouais, merci. Hein. Bah ouais, carrément. Moi, je vais repartir en Californie parce que l'émission de la semaine dernière m'a fort inspiré, hein, vous voyez. Et je suis plutôt sur un délire un peu pas mal punk garage aujourd'hui. Et j'ai envie de vous parler d'un morceau, d'un titre, d'un groupe, pardon, qui s'appelle Pity Party Girls Club. Et c'est un pur produit de la scène DIY californienne et notamment de tout. Enfin, ce que j'ai cru comprendre en cherchant un peu des infos là-dedans, c'est que aux États-Unis, t'as sur la scène underground machin, ils ont un peu des lieux fétiches. Donc en Californie, ça va être les jardins, les maisons, voilà, comme tu t'avais expliqué la semaine dernière. À New York, ça va être les entrepôts ou des caves, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Bref, donc eux, ils sont plutôt côté jardin, voyez-vous. Ce qui est super étrange avec ce groupe, c'est que c'est très planant, un peu psyché et très. C'est vachement bien le dimanche soir en descente de week-end, tout ça machin. C'est très. Tu te mets bien. Et t'as un morceau, celui-là, le morceau qui s'appelle Slumped, qui est très garage punk dans la veine que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc petite pépite, mais il y a que ça dans le style, dans leur discographie. Alors c'est pas une énorme discographie. Hein, ils ont un EP dont est issu le titre que nous allons écouter dans quelques instants. Vous voyez, qui est deux LP qui sont sortis entre 2015 et 2018. Voilà. Et je pense que le groupe n'existe plus. Oh. Ouais. Donc Pity Party, c'est P I T Y loin Party. Ok, Girls Club, parce que t'as un autre groupe, c'est un duo américain aussi, qui fait dans un autre style, un peu plus métal, qui s'appelle Pity Party, tout court. Slumped. On va redescendre. C'est Pity Party. C'était tout mignon, c'est un peu smooth hein, quand c'est même. C'est smooth, hein. Mais ce qu'ils font habituellement, c'est encore plus smooth. T'imagines? Ah ouais? Ah ouais, ouais, non, on n'est plus dans la vague PCR avec ce groupe. C'est hein, vague post-rock à fond, quoi. C'est, ah ouais, limite folk psyché, planant, quoi. Ouais. Quand je vous le dis, c'est un truc de lendemain de la veille, mais de la veille, la veille, la veille, quoi. De fort, qu'on n'écoutera jamais non plus en lendemain de la veille, la veille, la veille. Bah moi, je vais vous proposer un groupe américain aussi, un nouveau groupe qui s'appelle Happy Body, qui est un peu plus du coup joyeux, qui vous donnera peut-être un peu plus la pêche avec leur morceau Good For You. Que dire, ils font, c'est sorti il y a quelques jours, ils font des chansons sur des chagrins d'amour, sur des sorties, sur des chutes, sur le bonheur, sur la tristesse, avec un bon son garage, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est ma petite découverte qui fait plaisir. Allez. Feel like I'm alone. effectivement, ah, t'avais dit que j'allais aimer et j'ai kiffé. Ouais, merci, je rêve. Ça vient d'où ça, tu nous as dit? J'ai dit à Philadelphie. Philadelphie, ok. Ouais. Bon, bah, t'as des agents qui font direct. Hein, ouais, ouais. Philadelphie. Californie, Philadelphie. Ouais, aussi. Je aussi, pense, oui. Ouais, ouais, on est parti de Californie, là, c'est ça? Philadelphie, et bah. On va à Chicago. Ouais. Ah, bah, ouais, peut-être sur la route. On continue. Chicago, ouais. Illinois, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu quand même en grand leader et que en général quand je viens, je mets des trucs que j'aime bien. Je sais que c'est des trucs que t'aimes pas forcément. On a déjà eu ce débat plein de fois, une histoire de voix, il paraît. Mais bon, là c'est mon groupe de pop punk préféré depuis que j'ai 14 ans, je pense. Et même si je suis vraiment moins fan des 3, 4, voire 5 derniers trucs qui sont sortis de chez mec, bah, les premiers trucs ils restent quand même très cool. Mais vu que je voudrais pas quand même qu'il y ait de tension, j'ai pris une chanson que tu devrais quand même apprécier. D'accord. Donc, bah, tu écoutes et tu me dis si tu connais, on en reparle juste après. D'ailleurs, il me semble que c'est un groupe qui a joué dans le coin en acoustique il y a quelques années. Ah ouais? Organisé par un certain Wise. Ah, ça se peut. Connaissant le loustique, ça pourrait être ça. Vas-y, fais voir. Allez, c'est parti. On va chercher ça. Si vous reconnaissez le morceau, n'hésitez pas à nous contacter ou pas. Enfin, c'est un morceau de Chicago, mais à la base, c'est pas un morceau de Chicago. Ouais, non. C'est un morceau de Hooks. Morceau de qui ? De Berlin. Voilà. Mais je suis pas certaine qu'elle soit allemande. Non, non, je crois pas non plus. Mais bon, le morceau s'appelle Berlin. Donc on a fait quoi ? La Californie. Non, non, le groupe s'appelle Berlin. La Falida... oui, le oui. titre s'appelle Métro. Métro. Métro de Berlin. Ouais. Et maintenant, faut prendre le téléphone rouge. Ah ouais, c'est vrai. On part dans les groupes de Stéphane, là. Ah. De ça. Ah, on va en Russie ? Un groupe russe. Ah. Chaos signe russien. Ouais, alors. Alors. Voilà, alors. C'est bon. Alors. Moi, j'arrive pas à lire. J'ai retrouvé la cassette. On va passer donc maintenant à un groupe russe qui vient de Perm. Alors, Perm, c'est bien à l'est, vu que c'est dans l'Oural. Oui. Non, mais l'Oural, du coup, c'est à l'ouest, du coup, ça va. À l'est de la Russie, mec. L'Oural, non, c'est à l'ouest. Bah non. Coup, ça dépend le planisphère, dans quel côté tu es. On a toujours des problèmes de géographie. Alors, le groupe, c'est Kogorta. J'avais entendu 2-3 fois sur Droogies Radio, mais c'est en écoutant la compilation Chaos in Russia que j'ai vraiment tilté sur le groupe. Et puis depuis, je me suis fait la disco une paire de fois et je trouve ça bien béton. Alors je vais vous passer un de leurs deux morceaux qui est présent sur cette compilation Chaos in Russia que vous pouvez choper auprès de Skins for Skins. Et le morceau, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Ushedeshiedni et ça veut dire les jours passés. Pyongyang City Rockers 273 avec Kogorta. Il est pour toi celui-là, Stéphane. Oui. Et on est toujours à l'écoute de Pyongyang City Rockers sur le 106,6 Campus City. Et on écoute toujours Pyongyang City Rockers sur le 106,6 Ah là là là là, mes petits chouchous de Göteborg. Donc c'était... C'était Germ Bomb. C'était... Mais avant, on avait entendu un truc, mais qui avait été présenté. Oui, tout à fait. Kogorta. Il s'appelait Oui, c'était le morceau pour notre grand leader, Stéphane. Ouais. Et du coup, là, je vous ai mis un petit bloc de Germ Bomb, qui donc, est un groupe suédois de Göteborg, formé en 2009. Et ils officient dans l'apocalyptique metal punk hardcore. C'est hyper bien fichu. Encensé lors de leur premier album sorti en 2011, depuis 6 LP, plus 3 petits disques, comme disent les enfants ignorants, qu'on appelle des 7 pouces ou des EP. Ou des 45 tours. Et donc, je vous ai sélectionné le Endless Night, dans l'ordre, et ensuite le Siberia Westland. Et ça fait vraiment partie de mes morceaux de chevet. J'adore. Alors moi, j'ai appris avec les rééditions là, de Perkele. Ils ont refait des morceaux qui chantaient en anglais, en suédois. Et en fait, Göteborg, ça se dit Göteborg. Göteborg. J'ignorais de le savoir, merci. Les G se disent Göteborg. Bah, du coup, ils viennent de Göteborg. Göteborg. Göteborg. La chanson tous les cours de langue. Göteborg. Bon, Yellow and the Blue, c'est bien. Ouais. Elle est pas mal aussi, celle-là. Ah oui. Bon, après Göteborg. Ah, attends, on a fait la Russie, la Suède. Jérémy. On a fait la Wallonie. Non, ouais. On a fait la France. Ripoll, qui soit là, qui va aller où, Ripoll? On n'est pas allé en Allemagne. C'est pas loin. On a parlé de Berlin, mais... Le routing est encore cohérent. Et Jérém, il va aller où? On va choisir. Sinon, j'irai au Chili, allez. Au niveau carbone, vaut mieux aller en Allemagne d'abord. Ouais, tu allez. Crois? Non? C'est pareil, hein. Je sais pas. Décidons-nous. Allez, qui commence son texte? Jérém va au Chili. Jérém. Allez, je vous propose donc. Et nous, on reste là, on va en Allemagne, on discute un peu. Un nouveau groupe chilien qui est actuellement en cours d'enregistrement. Donc, c'est leur tout premier. En studio d'enregistrement. C'est des bébés. Beaucoup trop gros, c'est extérieur. C'est leur toute première cassette. C'est des bébés. Voilà, ils sont tout nouveaux. Ils s'appellent Sentimento de Culpa. Avec un K. Ah, c'est les syndromes 81. Ça veut dire sentiment de culpabilité. Syndrome 81. Et voilà. Cocaïne sur le mio couteau. De leur enregistrement en studio, ils ont mis un morceau en ligne qui s'appelle Pieza Rotas. Ça s'appelle Göteborg. Göteborg. Qui veut dire pièce cassée. Pièce cassée, ça veut dire Göteborg. Alors, le Chili, c'est loin. Ça met du temps à y arriver. Attends, je nage. Hop, je nage. Glou, glou, glou. Chili-Suède, on va mettre du temps quand même. Ah, enfin, bah oui, Suède, c'est pour ça, parce qu'il arrive lentement, le morceau, avec ses petites pattes. C'est rapide, mais je suis sûr que vous allez aimer. Ah. On n'aime pas trop ce qui est rapide d'habitude, mais vas-y quand même. Moi, j'aime bien la musique, la viole de gambe. Effectivement, mais c'était pas très mal. Très bien, dites donc. Le mixage. Moi j'ai un peu de mal avec la voix, mais musicalement. J'attends le mixage. C'est pas ouais, je pense, j'attends le mixage, je pense que c'est vraiment très bon. Je pense que c'est un groupe à suivre. Ouais, Jérémy me disait que ça a été enregistré novembre-décembre. Bon, ça peut déjà être un master final, hein, non, ouais, bah, une pré-prod. Mais en général, je pense On est quand même le 7. On prend. En une semaine, ouais. Ça peut être faisable. Ça se fait, normalement, ouais, c'est faisable, techniquement, bon. C'est possible. On va dire qu'on va mettre ça sous le coup de ça n'a pas été vraiment mixé. On va dire que c'est de la pré-prod. C'est de la pré-prod, voilà. C'est fumé en pré-prod. Voilà. Ou alors, c'est un choix artistique, non, c'est un choix. Hein, ouais, on va dire. Ah ouais, ça fait un peu comme Dead Moon. Le Dead Moon Shield. Dead Moon, c'était et un choix et un problème auditif, je pense, à l'époque. Moi, j'ai une anecdote de problème auditif ou de manque de compétences. Je pencherais pour la deuxième option, c'est qu'avec les Sonotones, on avait enregistré un truc. Problème d'oreille. Déjà, problème d'oreille. Ouais, et donc, le mec qui nous a enregistré et mixé, il s'est aperçu à la toute fin de mixage qu'une de ses enceintes était HS. Ah. Oui. Bah, c'était heureux, devait être cool. Voilà, donc autant je vous épargne la suite, un peu en mode bagarre, tout ça, quoi. Et cette perte de temps, parce que rien n'est exploitable. Forcément. Oh. Donc, on revient en Europe, on revient en Allemagne ou pas, on y va? Oui. Ouais, j'ai vu le groupe, en plus, ça, je suis sûr qu'ils ont déjà été à Göteborg. C'est possible. Ils adorent la neige. Bah oui, ils adorent la neige. Ils surtout adorent la bonne la neige. Neige de l'Oural. La vraie neige des randonnées, dans les mais trucs. Tu à ah oui, c'est vrai qu'il aime ça. What else, mon ami? C'est vrai que tu fais référence à Chris qui aime bien se balader un peu partout. À Chris et Caroline, ouais. Ouais, c'est vrai. Chris, le bassiste du groupe qu'on va écouter, c'est vrai que c'est un bonhomme. À chaque fois, tu vois une photo de lui sur un réseau, n'importe lequel. Il y en a pas, ils rêvent d'aller dans les îles. Et eux, ils adorent où il fait le plus froid. Je sais pas trop où ils sont. Ouais. Voilà. Ils sont un peu paumés toujours, mais oui, rien. Ils sont tout seuls. Mais ils se mettent bien. Mais en même temps. Avec des grosses chapkas. Bah ouais. Ça peut se comprendre parce que quand il est chez lui, soit il bosse, soit il est avec son groupe. Son groupe, c'est Fucking Angry de Bonn. Qu'on a déjà accueilli à Lille, qu'on a déjà diffusé sur Radio Campus. Sur Akoufen, même dans Pyongyang. Ouais, parce que c'est plutôt pas mal. C'est du bon punk rock et c'est vrai que on les a vus un peu au tout début, il y a quelques années maintenant, c'est peut-être 2014, 2015, peut-être 2016, un truc comme ça, on les a vus au début et c'est parti super chez vite. Eux, là, maintenant, à Aix-la-Chapelle, à Bonn. On les a vus à Aix-la-Chapelle, on les a vus à Giessen, moi je les ai vus un petit peu partout en fait, en Allemagne, je les ai même vus au Bobble Café en 2016. Ah ouais. Alors bon. Ils ont pris le Bobble Café d'Allemagne, ils l'ont mis à l'homme. Ils sont venus pour un one shot. Ils sont venus pour un petit one shot. C'est pas des gens formidables, ça? Ça s'est super bien passé. Ça a été bien reçu parce que c'est vraiment. J'ai un bon souvenir de cette date. Ouais. C'est vraiment très très cool comme groupe. Et les gens sont vraiment vraiment très très cool aussi. Ça fait longtemps que je les avais pas diffusés, moi, sur Radio Campus. Donc j'en profite là. Un peu de punk rock, Fucking Angry. Un morceau de l'album, j'aurais pu mettre un morceau du dernier EP qui est cool et je suis pas sûr qu'on en ait trop parlé parce que voilà, mais j'ai pris quand même le morceau de l'album qui s'appelle Bad Neunar, qui est un mélange avec une ville qui pourrait s'appeler Bad n'importe quoi Ar et puis Neunar, enfin bref, vous parlez pas allemand, c'est pas mon problème, ok? Ok, là tu nous as perdu. Demerden Zizich avec ce morceau Bad Neunar issu de Dancing in the Street en 2015 par Fucking Angry the Bone. Room. We'll be right back. Ah ouais, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, bah content que tu découvres. Bien plaisir. Ouais, je connaissais pas du tout, merci. Je te balancerai les liens, ouais. Avec trop bien, plaisir, ouais. De c'est leur seul LP, il y a deux EP autour, un avant, un après celui-là, qui sont vraiment trop cool. Il y a un morceau en plus qui est pas sorti physiquement, oui, mais qui a été clippé là. Un morceau de rap là. Ouais. Un morceau trop bizarre, très trap, qui s'appelle Scheisse Punk ou Scheisse Der Punk. Ah ouais, mais je dois quoi. Absolument jeter une réaction sur cette affaire. C'est assez cool. Ah, mais je te même quand balancer ça, les liens de rap allemand aussi, que tu as kiffé là. Ah, le ouais. Truc que le mec qui ressemble à Poutine. Je sais plus comment il s'appelle lui. Pauvre gars. Mein Mutti. Mein Mutti. Ouais, je sais plus comment il s'appelle lui, il faut qu'on aille découvrir des pépites allemandes. Ah, yeah. Ah, il y a plein de trucs. Ouais, je suis assez inculte. Et c'est vrai que même quand Fucking Angry font de la trap là, ça marche bien aussi. En plus de ça, les Fucking Angry, ils ont un ultra bon esprit. Ouais. Crème, quoi. Mais comment j'ai pu passer à côté de ces concerts-là? Enfin, pas, j'étais où? Pourtant, c'était. Je crois que c'était à côté. C'était à côté de chez toi en plus. Hein, à ce moment-là. Peut-être que c'est parce qu'ils jouaient avec Los Fastidios et que t'as pas pris le temps de lire le flyer jusqu'au bout. Ah, c'est pas probable. Moi, je dis Los Fastidios, c'est fastidieux. J'arrête. Ah, parce que je crois que c'était 2016, ouais. 2016, ouais. Tu vois. 2016, il y avait ça, il y avait Cycle Court aussi. Ah, Cycle Court, le projet de Val. Val des Gueules Noires. Des Gueules Noires, ouais. Ouais, exact. Mais c'était cool et c'est toujours très cool. Si ça repasse dans le coin, il faudrait que je me débrouille pour les faire venir parce que ça fait longtemps. Bah écoute. Qui c'est elle pour faire. Tu vois ce que j'allais dire, c'est elle, ça serait ouais, bien ça, avec un petit Water Moulin. Ouais, ouais, ce serait vraiment je pense très que cool. Ça collerait bien. Ouais. J'y penserai. Jérémy, tu veux nous faire écouter un petit peu de musique avant qu'on dise le truc qu'il ne faut pas oublier? Eh ben écoute, ouais, je vais faire un grand écart. Tu vas décider. On va aller en Indonésie. Ah, bah, j'ai le truc qu'il faut pas oublier du coup. Vas-y, envoie-le, envoie. Du coup, c'est un morceau qui s'appelle Acab. Ah, c'était ça? Non, moi je parlais pas de ça. Mais si. Mais si. Tu bluffes, Martoni. Par un groupe. Ripoli. Ripoli, ouais. Un groupe de 92 d'Indonésie. Oh. Acab, il s'appelle. Il s'appelle Turtle Jr. Ah. Turtle Junior d'Indonésie de Bung. Ils font des pizzas? Bandung. Ils vivent dans Bandung, les égouts. Et ils font une petite réédition là sur les internets de leur petite sélection musicale. Ah et oui, je trouve ça. Est-ce que ça sort sur Rusty Knife parce que vraiment vraiment chouette. En tous les cas, Turtle Junior avec leur morceau. Je pense à Tortue Géniale à chaque fois. C'est peut-être ça, peut-être que Tortue Géniale, ça se dit Turtle Junior. Du bon punk hardcore, comme on l'aime ça. Bien et comme ça fait 30 ans qu'on l'aime bien. Et du coup, c'est le morceau de fin? Non. Non. Non. Peut-être. Allez, vas-y, la merde, ce sera sûrement le dernier. On vous mettra peut-être un morceau juste derrière. Peut-être, on verra. Si vous êtes sage. Je pense que dans tous les cas, on vous en souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Ah bon, alors c'est qu'on se barre. Ouais. Et on n'oublie surtout pas, ça colle bien le morceau. À la cave. Hey,